la mort signal, nous dit le vaut, sachant maman. Qu'elle n'aura jamais mon dernier mot. Je suis venu de loin, je suis venu te voir. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. D'une fête que changer d'enfance, de souffrance. D'une fête que changer de costume. Que changer de larmes, changer d'armes. D'une fête que changer de frontières, de misère. D'une fête que changer de patience, d'impatience. Que changer de cage, changer d'âge. D'une fête que changer de raison, de poison. Il y avait de l'eau dans l'air. Il y avait de l'eau.